À Solange Clésinger, Nohant, 19 octobre 1851. Cher enfant, j'espère que le notaire n'aura rien compris, car je ne comprends pas moi-même, et je t'assure que ta lettre n'est pas bien compromettante. J'y vois bien que tu es triste, ennuyé, et que tu vois tout en noir en ce moment, et que tu t'es fâché, brouillé ou refroidi avec un ami, une amie, et un homme que tu n'aimais, dis-tu, ni d'amour ni d'amitié, et beaucoup, cependant. Cela me paraît rentrer dans un ordre de sentiments qui n'est pas toujours bien définissable, mais qui est bien réel cependant, et qui ne devrait pas se heurter par conséquent aux obstacles et aux devoirs de la société. Mais il semble que cette débâcle de 3 personnes, dans tes principales affections, soit venue par suite de quelques cancans. Du moins, c'est le fait le plus ordinaire dans les brouilleries. Et je crois que si tu n'as pas de tort, de franches explications peuvent tout réparer. Après cela, il se peut que je me trompe du tout au tout dans mes commentaires, ce qui te prouve que ce n'est pas assez clair pour qu'un œil indifférent ou même malveillant en ait fait son produit pour te nuire. Tu m'expliqueras tout cela à Paris, et si je peux raccommoder quelque chose, compte sur moi. Sinon, prends ton parti si tu n'as rien à te reprocher contre personne. Tu parles d'égoïsme, d'ingratitude de la part des autres. Eh bien, sans doute, il y en a beaucoup dans tous les sentiments et chez tous les êtres humains en général. C'est par exception qu'on trouve le vrai dévouement et les meilleurs corps ont encore à se défendre des mauvais instincts de la nature qu'ils combattent en eux-mêmes. Sonde ton propre cœur. Et vois si tu n'y trouves pas un grand fond de personnalité. Je l'ai dit quelque part, et c'est vrai, parce que je l'ai dit en me rappelant ma propre jeunesse. La jeunesse est l'âge de la personnalité. Elle prend son besoin de bonheur pour un droit. Elle exige beaucoup des autres et de la société, qui est mauvaise, et des hommes, qui ne sont pas bien bons. Elle veut que tout lui cède, et comme tout lui résiste, elle s'irrite et se désole. On résiste à beaucoup de chagrins, mon enfant. On est plus fort qu'on ne s'imagine et qu'on ne voudrait peut-être. Et chaque douleur a cela de bon, du moins, qu'elle nous rend plus indulgents pour l'avenir. L'expérience n'est qu'une suite de larmes. Ce ne sera pas autrement pour toi que pour les autres. Le refuge, c'est le devoir, en effet. Le devoir qui est difficile à définir, j'en conviens, puisqu'il est si varié suivant les situations. Mais il se résume par un mot, cependant. Être généreux et bon. Ne rien faire par amour de soi, par crainte de souffrir ou par désir d'être heureux. Mais tout faire par équité, par indulgence, par grandeur d'âme. Je suis sortie de toutes mes peines. Pas subitement, mais peu à peu, en me demandant bien où était le vrai malheureux ou la vraie malheureuse dans les ruptures de l'affection. Je me suis dit, j'ai reconnu que c'était le coupable. Eh bien, quand on n'est pas le coupable, on reprend sa force, son équilibre, et on vit, pour souffrir peut-être encore. Mais pour souffrir encore, sans honte et sans remords. Examine-toi, ma chère enfant, et si ta conscience te reproche quelque chose à l'endroit de l'affection, avoue-le aux amis que tu regrettes, et fais-le leur oublier. S'ils sont coupables et qu'ils reviennent, pardonne et oublie. S'ils sont coupables et entêtés, ils ne valent pas les regrets, et tu pourrais en trouver de meilleurs. Bonsoir. Ma mignonne, j'espère que tout cela n'est pas aussi sérieux que tu l'imagines. Mais c'est toujours sérieux quand on en souffre. à ces souffrances-là, notre propre volonté peut seule faire un contrepoids. Prends aussi tes affections domestiques, ta mère, ton enfant, ton mari pour quelque chose qui doit dédommager des atteintes passagères. Distrais-toi et songe que le mal physique qu'on entretient est un mauvais fortifiant pour le moral. Je t'embrasse 1000 fois, ainsi que Nini. Je ne dis rien de tout cela à Maurice, mais il t'embrasse tout de même.